Matchic Histoire, le podcast du comité d'histoire régionale de la région Grand Est. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la conférence entre histoire et imaginaire, l'Antiquité d'aujourd'hui, avec Fabien Bief-Perrin, historien et chercheur, Élise Pampanet, doctorante en langue, histoire et civilisation des mondes anciens, Katie Steward, écrivaine et docteur en psychologie, Alexandra Vincent, directrice du parc archéologique de Blisbruck, et Sophie Laribi-Claudel, docteur en histoire ancienne, dans le cadre de l'édition 2024 du festival Les Imaginales. Le mode de fonctionnement donc de cette table ronde, hein, si vous êtes habitué des imaginales, habitué du pôle histoire, vous avez assisté à un certain nombre de présentations sur le Moyen-Âge, qui donnent cette impression que la fantasy, c'est le Moyen-Âge, l'imaginaire, c'est le Moyen-Âge, le fantastique, c'est le Moyen-Âge, y compris dans ses réinterprétations gothiques de la fin du XVIIIe siècle ou encore du XIXe siècle. Donc les travaux sur la réception du Moyen-Âge, vous allez beaucoup entendre ce nom, on est plusieurs réceptionnistes ici, comme j'aime bien dire. Les travaux sur la réception du Moyen-Âge, c'est-à-dire la manière dont une société s'empare de thèmes médiévaux et parfois recrée des thèmes selon elle médiévaux. Bref, cette réception, elle a été bien étudiée hein, pour les littératures de l'imaginaire. Assez largement aussi, cette réception est étudiée dans la culture populaire. Vous avez sans doute eu l'occasion aussi d'entendre Justine Breton, si vous êtes un habitué, une habituée du pôle histoire des imaginales. Ce qu'on a remarqué, c'est que voilà, si le Moyen-Âge occupe une place importante dans la programmation des imaginales, et en particulier donc, la programmation du comité d'histoire régionale, l'Antiquité n'y a occupé qu'une place un peu marginale. Je crois que pendant quelque temps, c'était moi qui venais faire l'antiquisante de service. Voilà. Et puis, l'année dernière, Fabien est venu, mais on était un petit peu en marge. Hein. Bon, là, on a fait un peu de pousse-toi de là que je m'y mette. Et on a réfléchi avec Nadège, donc à l'organisation de cette table ronde pour poser les jalons d'une intégration pérenne des questions de réception, cette fois-ci de l'Antiquité, dans les littératures et plus largement dans les productions de l'imaginaire, donc aux imaginales. Je vous rassure, hein, on n'invente rien. D'autres ont travaillé sur ces thèmes avant nous, mais on n'avait pas encore trouvé notre place dans le cadre de ce festival. Et un autre objectif hein, serait de construire une réflexion à long terme qui permettrait de proposer l'équivalent antique du médiévalisme qui aujourd'hui est bien structuré. Voilà. Regard entendu entre nous, parce que je pense que là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Alors, le fonctionnement hein, de cette table ronde, donc, on a préparé une série de questions pour un petit peu interroger hein, voilà, la place qu'on donne à l'Antiquité, voire aux Antiquités, j'y reviens après. Donc, on va discuter avec les intervenants, mais à la fin de la table ronde, on va se ménager un temps de questions pour le public. Donc, n'hésitez pas hein, à préparer vos questions. Vous pourrez demander la parole à la fin. Alors, j'en viens donc à la présentation des intervenants. Je vais le faire dans l'ordre alphabétique. Hein, donc, voilà, c'est pas parce que c'est notre intervenant que je le fais parler en premier, mais parce que son nom de famille commence le plus haut dans l'alphabet. Donc, Fabien Bièvre-Perrin, qui est docteur en archéologie, qui est maître de conférence à l'INSPE, l'Université de Lorraine, en réception de l'Antiquité, et qui est un des artisans d'Antique Hip-Hop. Ça te va comme présentation. À côté de moi, une docteur en histoire grecque, épigraphiste, agrégée de lettres classiques. Voilà, Élise Pampanet, qui est également une des artisanes d'Antique Hip-Hop. Vous aurez l'occasion d'en dire un mot dans la table ronde. Je ne vais pas trop, trop révéler de choses, pas trop spoiler pour le moment. Katie Steward, qui est autrice, notamment de science-fiction, mais pas que, puisqu'elle est aussi l'autrice de ce livre formidable, qui est une pépite, qui pour moi aurait dû avoir plus encore d'écho, parce que voilà, j'ai envie que tout le monde pense comme moi, et que c'est formidable de s'intéresser à la réception au sens premier qu'on lui donnait, c'est-à-dire à la transmission des textes antiques. Et dans l'Évangile selon Myriam, qui est posé devant moi, il y en a dans la bulle du livre ou pas? Voilà, donc vous pourrez, après, demain, revenir pour en faire l'acquisition. On a une jeune fille qui s'appelle Myriam, qui, dans un monde post-apocalyptique, eh bien, est chargée de reconstituer la civilisation d'avant autour d'une question sur la vérité, en fait. Elle va retrouver le chemin de la vérité à travers les fragments. Dans la quatrième de couverture, c'est Lambeau. J'aime bien aussi, mais moi, voilà. Antiquisante, je parle de fragments. Et donc, elle va essayer, avec ce qu'elle trouve, hein, de nos textes, qui nous paraissent évidents, mais en fait ne le sont pas. Il faut apprendre à être humble quand on fait de l'histoire ancienne. On apprend à le devenir. Elle va essayer de se lancer à la quête de la vérité. Il y a des réinterprétations formidables. On en parlera, hein, de textes bibliques. Et puis de conte Cendrillon, j'adore, je ne vais pas spoiler, Édipe aussi, hein, voilà. Oui, pardon. Docteur, alors, du coup, bien sûr. Je suis docteur, et Katie est docteur en psychologie. Voilà. C'était ma dernière étape, il me semblait bien qu'il me manquait quelque chose. Docteur, tu as soutenu... En décembre, donc c'est encore, j'y tiens encore. Donc, après, je précise, c'est une jeune docteur. Et je travaille sur les récits, donc il y a quand même des liens, c'est pas complètement... Voilà. Et enfin, Alexandra Vincent, qui est directrice du site de Blisbruck. C'est bien le titre Un petit peu plus long, donc voilà, c'est le parc archéologique européen de Blisbruck-Rheinheim. Donc qui a une formation en archéologie, mais également en histoire de l'art, puisqu'elle est diplômée de l'école du Louvre. Et dans le cadre de ses fonctions à Blisbruck, c'est un autre pan de la réception, en fait, puisqu'elle met en contact, en tout cas à disposition du public, tous les travaux qu'on peut faire, nous, en amont, pour... pour permettre la vulgarisation, mais aussi la promotion finalement de ce patrimoine antique qui sort un peu de la Grèce et de Rome, puisqu'on est chez les Celtes d'un côté et puis les Gallo-Romains évidemment de l'autre. Voilà, les présentations étant faites, on va pouvoir passer à une première question. Je pense que Katie, tu vas même pouvoir commencer avant nous à répondre. On va parler de littérature antique, on va parler de littérature classique pour le moment. Pour les optimistes, 10% de la littérature antique nous est parvenue. 10%. Vous prenez une bibliothèque actuelle et vous multipliez par autant. Pour les pessimistes dont je suis, 1%. Quand vous regardez les collections de textes anciens, en fait, on n'en a que 1%. Donc il y en a 99% qui ont disparu. Comment travailler avec les fragments. Je reviens en fait à la racine de ce qu'est la réception. On étudie comment est-ce que les textes nous ont été transmis, comment est-ce qu'on s'est retrouvé avec ces 10 ou 1%, quels choix ont été opérés, comment l'Antiquité a été réinvestie par les différentes époques qu'elle a traversées pour arriver jusqu'à nous et qui ont opéré des choix. Donc, comment travailler avec les fragments? Je vous laisse ces questions-là. Et justement, quand on est face à des fragments, qui que l'on soit, et je suis très contente d'avoir l'évangile selon Myriam devant moi, quand on travaille avec des fragments, quelle place y a-t-il pour l'imagination, celle de l'historien, celle de l'archéologue, qui va élaborer, alors nous on dit des hypothèses, très sérieux, et quelle place y a-t-il pour l'imagination également à l'œuvre, évidemment, chez l'auteurice, qui, pour le coup, a le droit d'inventer. Même si les historiens, souvent, on invente. Maintenant, je me tais et je vous laisse la parole. Je veux bien commencer sur la question des fragments. Moi, ce que ça m'évoque, ces chiffres de 1% et de 10%, c'est quelque chose qui me rend très triste au quotidien. Tout ce qu'on perd, en fait. Tous les textes qu'on perd, tout ce à quoi on n'a pas accès et qu'est-ce que ça pourrait être. Donc ça, déjà, c'est de l'imagination. Et en fait, c'est quelque chose qui se retrouve dans... à peu près tout mon travail, quand j'ai fait mon essai sur la science-fiction, il y avait une obsession pour les livres qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous, parce qu'on a fait disparaître les livres des femmes, parce que des livres n'ont même pas été publiés, parce que des gens pensaient que leur histoire n'en valait pas la peine, parce que ce n'était pas valorisé. Donc j'ai un peu cette envie d'imaginer et de penser sur les choses qui ont disparu. Donc c'était pour moi... L'évangile selon Myriam me ressemble beaucoup dans ma façon de faire et puis dans ma pratique de psychologue clinicienne aussi. Je travaille avec des personnes âgées dépressives et la question de ce qui disparaît, ce qui n'est plus en mémoire. On se raconte, on a un récit qui va être cohérent, un récit qui va prendre beaucoup de choses négatives parce qu'on ne se sent pas bien et parce qu'on est très triste, et on va se forger un récit qui est assez fataliste, très cohérent, mais fataliste. Et comment on peut, en tout cas moi, ce que je fais avec mes patients, c'est aller chercher, trouver des moyens pour, par des thèmes, aller chercher des récits qui étaient là, qui vont revenir. On fait de l'autobiographie en groupe, donc des souvenirs qui reviennent, et on retravaille la cohérence. Donc c'est vraiment, moi l'imagination, je la vois là-dedans, c'est la colle. Quelle colle je vais mettre pour que ces fragments racontent quelque chose. Alors en clinique, c'est facile, on veut des choses qui font aller mieux, qui redonnent de la force, qui redonnent envie de faire du futur. En fiction, ben, c'est autre chose. L'Évangile selon Myriam, ça a été parfois des textes qui me font rire, tout simplement. Ou des relectures qui vont me montrer un aspect de l'histoire que je n'avais pas bien vu. Donc, en tout cas, pour moi, l'imagination, elle est dans la manière dont on va coller les choses. Et c'est ça qui m'intéresse dans la narrativité, en tout cas. Alexandra ? Alors, sur le site que je dirige, on a également des fragments. Déjà, notre site, il n'est fouillé qu'à environ 40%. Donc, il y a 60% de ce site archéologique, à la fois celte et gallo-romain, pour la plupart des vestiges qui sont présentés, qui n'est absolument pas connu. Et même dans ce qui est encore visible du public, c'est vraiment très fragmentaire. Parfois, nous n'avons que deux couches de pierre, ce qui, pour nos visiteurs, notre public, ne va pas forcément parler. Pour l'archéologue, beaucoup plus. L'archéologue va y trouver son compte parce qu'on a des vestiges authentiques qu'il va pouvoir interpréter. Pour le grand public, il faut quand même donner des clés de lecture. Et là, c'est vrai qu'on va toucher un petit peu à de l'imaginaire par différents biais. Ça peut être, par exemple, par la reconstitution. On a un site un petit peu particulier puisqu'on est un site franco-allemand. La moitié du parc est située en Moselle, l'autre moitié est du côté de la frontière allemande en Sarre. Et le traitement des vestiges des deux côtés de la frontière n'est pas du tout le même. En France, on a plutôt tendance à conserver, à préserver, à montrer l'authentique. En Allemagne, et je pense de façon plus globale dans les pays anglo-saxons vers le nord de l'Europe, on va plus privilégier la reconstitution. La reconstitution à l'échelle 1, in situ, à même les vestiges, ce que nous n'avons pas le droit de faire du côté français. Et c'est comme ça que dans la villa de Reinheim, la villa qui était une grande propriété agricole de très grande dimension, on a complètement reconstitué des vestiges. Avec, on parlait d'hypothèse, qu'est-ce que c'est qu'une reconstitution ? C'est juste la matérialisation d'une hypothèse à l'échelle 1. Avec toute la marge d'erreur qui existe. On ne travaille pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on se base quand même sur ce qui a été trouvé. Le plan des bâtiments, les matériaux qui ont été découverts sur le site, par des comparaisons. On va comparer régionalement ce que l'on peut trouver dans des villas comparables. Mais quand on reconstruit par exemple la porte d'entrée, la tour-porche d'entrée de cette villa, on lui donne 7 mètres de hauteur. Là, on est un petit peu dans la fantaisie, si j'ose dire, dans la spéculation, puisqu'on ne sait pas exactement quelle était la taille, avec un risque aussi que ce qui est vrai quand on a construit ce bâtiment en 2007 ne soit plus du tout vrai dans 20 ans. Parce que l'archéologie est aussi une science qui est très évolutive, qui évolue assez rapidement. Merci beaucoup. Alors, sur les fragments, je pense que l'archéologue et l'épigraphiste ont été invoqués là et vont pouvoir un peu vous parler de la spécificité, je pense notamment pour l'épigraphie, de leurs travaux face aux sources. Oui. Peut-être expliquer très rapidement ce qu'est l'épigraphie. Exactement. Donc, c'est en fait la science des inscriptions, de ce qui a été gravé sur des supports durables, donc la pierre, le marbre. Et donc, on va travailler sur quelque chose qui a un double aspect, puisque un texte gravé sur un support, c'est une étude de texte, que ce soit la langue grecque ou la langue latine en ce qui me concerne, mais c'est aussi une étude d'un objet archéologique. Qu'est-ce qui a été gravé exactement, à quel endroit, notamment, donc j'ai beaucoup travaillé sur le funéraire, donc c'est aussi quelque chose qui peut venir en lien avec une image, mais voilà, là je déborde un petit peu de la question. Katie disait qu'on peut être triste de ce qu'on a perdu. Je trouve aussi qu'on peut se réjouir du 1 ou 10% qu'on a quand même gardé et qui nous a été transmis, parce qu'on a quand même la chance, nous, de travailler dessus et d'avoir la chance aussi et la curiosité soit donc faire appel à notre imagination, mais de manière scientifique, voilà, quand on travaille en archéologie, en histoire et donc en épigraphie. Et je trouve qu'on a cette chance aussi de pouvoir restituer avec des parallèles, avec des comparaisons de textes qui ont été retrouvés de manière plus complète. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça ludique, en fait, d'essayer de reconstituer une inscription avec des termes manquants. C'est un côté un peu puzzle qui peut être très intéressant. Et tu disais, tu te demandes pourquoi ces choix, en fait, pourquoi tel texte nous a été transmis et pas tel autre. Donc, il y a aussi plein de questions sur les choix de copies qui ont été faits. Et quand on se place du point de vue de l'Antiquité aussi, pourquoi tel texte a été gravé et pas tel autre, qu'est-ce qui a voulu être marqué pour durer, en fait, et pour plus ou moins de manière consciente nous être transmis et être étudié. Et puis si je peux rajouter par rapport à la littérature, je trouve aussi que ce qui nous manque, ça laisse la place aussi de combler les trous, et on sait qu'il y a eu beaucoup de littérature qui ces derniers temps relie l'histoire d'un point de vue féministe, notamment. On en a parlé ce matin avec Morgane Pendragon. Et on en reparlera minute pub demain en début d'après-midi, toujours avec Jean-Laurent, mais sur cette fois-ci l'Antiquité vainqueuse des Cynisca de Sparte. Merci. Et donc, je pense, vous avez parlé ce matin de Marion, c'était Justine Breton qui parlait de Marion Zimmer Bradley, qui a écrit un récit donc sur Cassandre, pour réécrire l'histoire de la guerre de Troie en disant, mais en fait, c'est moi qui étais Achille, c'est pas Paris, etc. Je pense aussi à Margaret Atwood, que vous connaissez peut-être par la Servante écarlate, qui a écrit une Pénélopéiade, donc l'Iliade, mais pour raconter l'histoire d'Ulysse, mais de son point de vue à elle en tant que femme, et qui finalement déplore que Pénélope se soit devenue une espèce d'idole de femme fidèle et de femme soumise. Et donc je trouve que ce qui nous manque, c'est aussi l'occasion de donner une autre voix, ou de donner place à des personnages qui parfois sont moins entendus dans la littérature de l'Antiquité. Mais je pense qu'on va en reparler avec les questions qui suivent, donc je laisse la parole à Fabien. Merci. C'est difficile de passer après ces trois interventions parce que ça m'a donné beaucoup d'idées. Je ne sais pas si je vais réussir à les organiser. Déjà, en tant qu'archéologue, ce qui peut rendre optimiste, c'est justement sur un site où il reste 60% à fouiller. On a toujours envie d'en laisser à de futurs archéologues parce qu'ils vont avoir de nouvelles approches, de nouvelles techniques. Mais ils sont toujours là à fouiller. Et l'archéologue, en permanence, il enrichit les corpus, il rajoute des choses et il fait plaisir aux gens qui veulent les textes, l'épigraphie. Et donc, c'est un corpus, certes, qui est limité. On n'a qu'un pour cent ou 10%, selon qui on est en face de soi. Mais on sait qu'il va grandir tout le temps, en fait. Tant qu'il y a des archéologues, ces corpus, ils vont continuer de grandir, même les textes. Alors, c'est plus rare de trouver des textes littéraires, mais en ce moment, à Herculanum, ils sont en train de réussir à dérouler des papyries qui ont été carbonisées. Et on commence à réussir à lire ce qu'il y a dessus. Alors que depuis la découverte d'Herculanum, on essaye de les lire. Et aujourd'hui, on a des technologies qui le permettent. Mais donc moi, pour répondre à une autre partie un peu de la question, parce qu'il y avait le point de vue un peu de l'archéologie, pour moi, on a 1%, mais on peut en dire tellement de choses, parce que chaque nouvelle génération va avoir des nouvelles approches, va regarder le même corpus, mais différemment. Et la preuve qu'on peut continuer d'en parler, sinon on ne servirait plus à rien. Et je me permets de donner deux exemples. Par exemple, on s'est intéressé à l'histoire des femmes, pour caricaturer un tout petit peu, qu'à partir du moment où il y a eu des femmes à l'université, tant qu'il n'y avait pas des femmes qui avaient une place à l'université, il n'y avait pas d'histoire des femmes. Donc la moitié de l'humanité, quand même, n'avait visiblement pas assez d'intérêt. Et on pouvait reprendre le même corpus, et aujourd'hui, on le refait aussi sur l'archéologie, sur les images, avec simplement un autre point de vue. Donc ce 1%, ce 10%, ou plus ou moins, on peut le regarder sans cesse d'une façon différente, parce qu'on le fait toujours d'un point de vue d'une société à laquelle on appartient. Donc la société de 2024... c'est pas la même que la société de 1924, etc. Et donc, ce 1%, finalement, aussi, pouvoir le comparer à toutes les époques, les approches, c'est aussi très intéressant. Et je termine juste, et peut-être que ça fera une transition avec après, que quand on travaille sur la pop culture, aujourd'hui, on peut se dire qu'on a 100%. Bon, c'est pas vrai, parce qu'il y a plein de choses qu'on a déjà perdues, alors qu'elles sont sorties l'année dernière. Mais voilà, elles ont été mises sur YouTube, puis ensuite, elles ont été retirées, et jamais, plus jamais, on y verra. Donc, il y a un problème d'archivage aussi de toute cette culture-là. Et évidemment qu'on ne peut pas s'intéresser à 100% de tout ça. Donc finalement, c'est toujours pareil. On s'intéresse toujours qu'à une portion quand on est chercheur. Et donc l'Antiquité invite à la modestie aussi et à faire un pré-tri, ce qui peut être pratique. Merci beaucoup pour ces points de vue très différents, mais en même temps très complémentaires. Et on avance peu à peu. Et j'espère que. Je ne pense pas qu'on aura tranché médiévalisme à l'antique à la fin de la table ronde, mais on aura bien avancé. Alors, justement, on a parlé de la société de 2024, on a parlé de ces textes, on a parlé du fait qu'entre l'université des années 60 et celle des années 2020, bah, il y a une grande révolution, c'est l'arrivée des femmes qui ont apporté un autre regard sur les sources, et puis aussi des hommes, hein, évidemment, qui ont participé de ce mouvement. L'Antiquité, c'est ce qu'on appelle parfois le territoire des écarts. En fait, l'Antiquité, on s'en revendique. Hein. Je m'appelle Sophie. Sophie, c'est un prénom grec antique. Hein. Mais c'est l'Antiquité, elle est très éloignée de nous par le temps, déjà. Et puis, l'Antiquité, elle est très vaste. Hein. Monde grec et romain, d'accord, mais il y a l'Égypte, la Mésopotamie, la Chine. On peut aussi faire l'Antiquité du Japon. Dans le continent africain, on a laissé ça vraiment de côté, mais je pense qu'il y a énormément de choses qui pourraient être faites en Amérique. Ce qui s'appelle l'Amérique pour des raisons qu'on connaît, mais ces territoires aussi qu'on oublie, auxquels d'ailleurs on donne une histoire qu'à partir du moment où il y a ce monsieur Christophe Colomb qui débarque, bon, ça commence à être à bouger heureusement. Donc l'Antiquité, c'est le territoire des écarts. Alors comment articuler l'engouement créé, entretenu par la culture populaire, hein, quand elle investit les mondes antiques, et donc comment articuler cet engouement avec l'étude historique de ces civilisations qui, par de très nombreux aspects, sont très éloignées de la nôtre. Mais, et là, je sème pour la question suivante, où normalement, là, ça va bouger encore un peu plus, d'aucuns se réclament parfois, et je mets des guillemets, les héritiers. Il y a plusieurs, plusieurs feuilles dans mon millefeuille de questions. Alors, qui veut commencer ? Non, je veux bien faire un hors-sujet. Avec grand plaisir. Parce que pour le coup, je n'ai pas d'approche scientifique sur cette époque et sur ce qu'on y trouve. J'écris de la science-fiction, donc il y a vraiment cette idée aussi que j'ai envie de raconter des histoires. Et quand j'étais petite fille, en fait, les histoires de l'Antiquité, en fait, c'était... C'était des histoires fascinantes, c'est comme Myriam en fait, moi je m'y perdais. C'est quoi la différence entre le petit chaperon rouge et Ulysse ? Ben, je sais pas, c'est exactement pareil dans le regard de l'enfant avec ces dieux un peu étranges qui sont... on se demande pas ce qui est réel et ce qui est pas réel, c'est vraiment le côté... ça raconte une histoire et puis on se rend compte en grandissant que ce sont des histoires qui sont partout. Qui sont dans toutes les références, parfois pas forcément des références qui sont explicites. Et puis après, on se met à étudier la psychologie, on retrouve « mais qu'est-ce qu'il fait là, Oedipe ?» Mais enfin, je croyais que tu étais dans les histoires que je lisais enfant. Donc il y a quelque chose d'une familiarité, parce que c'est là-dedans qu'on baigne, en fait. C'est des histoires qui sont là, qui sont partout, qu'on ne connaît plus tellement elles sont là partout et qu'on ne les regarde pas. Et quand on écrit de la science-fiction, on prend ce qui se présente et on y va sans se demander comment c'était pour de vrai. On va encore rajouter une couche de... Bah là, c'est quand même le regard d'une jeune fille qui n'existe pas encore. Donc, elle peut y aller, elle peut avoir son regard critique et poser des questions que finalement, nous, on ne pose pas. Et moi, ça me sert à ça aussi, hein, d'être en science-fiction, d'avoir un pas de côté... d'être, même quand ce ne sont pas des histoires d'extraterrestres, je suis l'extraterrestre qui ne comprend rien à ce monde. Qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que j'en comprends ? Et peut-être que c'est un peu ça, et j'ai envie qu'on me réponde là-dessus, peut-être que c'est un peu ça le regard que portent les chercheurs d'aujourd'hui qui s'intéressent à des choses d'hier, avec cette prudence de ne pas plaquer ce qu'on connaît, et de se dire, ok, est-ce que cet objet me raconte une autre histoire et est-ce que ça me fait... qu'est-ce que ça me dit d'un monde que je ne connaîtrai jamais ? Je rebondis, tu as employé une très belle expression, celle du pas de côté, qui est celle de Claude Calame, hein, qui est notre pape de l'anthropologie historique en histoire grecque. Donc tu vois, tu dis que tu n'as pas le regard scientifique, mais finalement, tu as encore mieux entrevu la réalité de nos sources que parfois nous ne l'entrevoyons. Alors... Oui, oui, c'est tout à fait ça, en fait, le pas de côté, parce que bah, on adore tout ce qu'on fait, donc on aurait tendance à vouloir se sentir très proche, très familier de ces personnages, de l'histoire, de la mythologie qu'on étudie. Mais c'est vrai qu'il faut résister à cette tentation de plaquer des idées ou des fonctionnements, des comportements qu'on a maintenant avec ces sociétés-là. Et en même temps, parfois aussi, bah voilà, quand on fait de l'anthropologie, on a tendance à vouloir aussi tirer des ficelles entre eux et nous et vouloir voir des choses qui sont en fait communes et assez universelles. Et Nicole Laureau parlait d'anachronisme contrôlé, justement en disant qu'il fallait essayer de voir ce qu'on apprenait du passé dans notre présent. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment être attentif à ça et faire preuve de méthode. Et tu parlais aussi de distance critique. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Antikipop aussi, c'est-à-dire prendre un clip vidéo récent ou une publicité, pour ma part, parce que j'aimais bien travailler sur les publicités télévisuelles, et puis voir ce qu'il y a d'antique, mais tout en restant assez critique et en restant dans l'analyse toujours des signes, des codes qui nous sont donnés de l'Antiquité, que ce soit des simples clins d'œil ou que ce soit de vraies références. Parfois, il y a des choses très profondes, hein, même dans la pop culture, justement, des vraies références à des auteurs antiques ou des événements historiques assez précis et parfois assez méconnus. Donc, je pense que notre rôle aussi, c'est d'essayer parfois de décontextualiser justement ces références et d'essayer de retisser un peu les écarts entre l'Antiquité et nous. Et puis, c'est le cas notamment de la polychromie qui a été... on a très longtemps imaginé une antiquité blanche, parce que aussi c'est ce qui a été interprété par la Renaissance et ce qui a été repris aussi ensuite par les régimes fascistes. Et en fait, il faut redonner tout ce qui s'est passé entre l'Antiquité et ce que nous, on a gardé, cette image idéalisée et blanche. Bah, il faut en fait aller voir tout ce qui s'est passé au niveau idéologique, politique. Alors des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on met les pieds aussi dans des questions, dans des terrains très glissants. Et ça arrive parfois dans ce qu'on écrit, dans les articles qui sont publiés sur le site d'Antikipop. Ben oui, parfois ça plaît pas forcément, et puis on se retrouve à avoir des discussions un peu houleuses, on va dire. Mais je crois que c'est notre rôle aussi, en fait, d'aborder ces questions-là. Je sais pas si tu veux poursuivre, compléter. Oui, par rapport à ce que tu as dit sur Antikipop, si vous allez sur Antikipop, ce que je vous invite à faire, bien sûr, vous ne trouverez pas ce qu'on a pour appeler du fact-checking, c'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à regarder et à dire ça c'est faux, ça c'est juste, ça c'est à peu près bon, etc. Ce qu'on regarde, c'est vraiment justement les écarts avec la réalité, ce qu'on sait de la réalité antique, pour voir où est-ce qu'il y a des intentions dans la nouvelle image produite. Est-ce qu'on s'est éloigné volontairement de l'Antiquité ? Est-ce qu'on l'a travesti ? Quel message on veut faire passer ? Et donc, c'est là qu'on mesure les écarts. Donc, je reprends le mot d'écart, qui est un mot très populaire chez les antiquisants qui s'intéressent à ces questions. Quel est l'écart entre la réalité, ce qu'on sait, et ce qui arrive sur nos écrans aujourd'hui ? Et qu'est-ce que cet écart peut dire ? Alors, il peut y avoir un écart volontaire. On va volontairement changer un aspect de l'Antiquité ou... des traits grossiers parce que nous arrange, etc. Et parfois aussi, on va simplement être dépendant de ce qui s'est passé avant. Donc moi, j'aime bien parler de filtres. Il y a eu des filtres avant nous. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on va retrouver une statue d'Apollon blanc dans un clip, dans un film, etc., que celui qui a pris cette décision est fasciste et inspiré par Mussolini directement. Mais nous, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi il a cette image comme cela, et est-ce qu'il a conscience de cet écart, est-ce qu'il l'a repris, est-ce qu'il a voulu aller dans une autre direction. Et plus le temps passe, plus les filtres se multiplient, et aujourd'hui la pop culture multiplie les filtres à une vitesse incroyable, assez inédite, en direct quasiment, et on est beaucoup plus acteur de la pop culture. Le jeu vidéo, c'est quelque chose d'incroyable par exemple, parce que chacun a une réception différente, à chaque fois qu'on fait une partie, on fait une nouvelle réception. Et en plus maintenant, il y a des gens qui regardent des gens qui jouent aux jeux vidéo, alors là, bon, comme moi peuvent devenir fous. Donc voilà, analyser tous les écarts et pouvoir permettre aux gens qui vont regarder, aimer, pratiquer ou subir cette culture, parce que des fois on choisit pas tout ce qui nous arrive sous les yeux, de leur donner les clés. Je pense c'est un peu le rôle qu'on a voulu avoir avec Élise, les clés. Voilà les écarts, voilà ce que ça peut vouloir dire, et que tout un chacun puisse regarder la pop culture notamment, mais aussi d'autres choses, en ayant conscience de ses filtres et en essayant de se situer lui-même à l'intérieur de tout cela. On a Sophie, tu parlais du rapport culture populaire et les recherches que l'on peut mener. Parfois, on peut se dire qu'entre Astérix, Alix et nos recherches, il y a un grand écart. Mais pourtant, nous, on s'en sert. Nous avons ouvert une exposition temporaire cette année sur les Jeux Olympiques dans l'Antiquité. Et nous nous sommes servis d'illustrations qui viennent d'Alix, d'une bande dessinée d'Alix. Aussi, vous parliez de la couleur, aussi pour apporter cet élément de couleur. Alors, on choisit, hein, on ne présente pas toute la bande dessinée, mais certains éléments vont quand même permettre d'apporter un côté vivant et un côté coloré que nous n'avons pas forcément dans les antiquités, dans les objets archéologiques que nous présentons. Donc c'est aussi une façon d'intéresser tous les publics en ayant recours à cette culture populaire. Effectivement, je pense qu'on n'a pas beaucoup souligné ça, mais on est tous convaincus que c'est très bien que la culture populaire s'empare de l'Antiquité. On peut avoir l'impression que les universitaires vont se dire « Mais attendez, en 53, au mois de mai, non, le temps n'aurait pas permis qu'une telle salade soit servie sur cette table. » Non, on n'est pas dans ce regard-là quand on lit un livre historique, on n'est pas dans ce regard-là quand on regarde une série qui se veut historique. Au contraire, on est dans la réception heureuse de cet réinvestissement de l'Antiquité par la culture populaire. Et je ne l'ai pas cité, mais voilà, je voulais en parler en introduction et je ne l'ai pas fait. Évidemment, on a maintenant dans nos salles de cours des étudiants qui connaissent l'Iliade sur le bout des doigts. Pourquoi ? Ils n'ont pas lu Homère. Ils ont lu le chant d'Achille de Madeleine Miller. Et ils le lisent et puis ils se rendent compte. J'ai des étudiants qui me disent... Mais il y avait un livre, en fait, antique derrière. Je dis, oui, c'est l'Iliade. Et elles vont le lire. Et c'est des étudiantes, elles ont 18 ans. Je ne vais pas leur dire, mais comment ? Vous ne connaissez pas Homère ? Non. On est très, très heureux quand ça ouvre aussi. Hein. Et puis ensuite, ça permet éventuellement de corriger des choses quand on revient sur le plan historique. Alors, on a commencé à en parler. J'introduis la question, on va parler des usages politiques de l'histoire et de l'Antiquité. L'Antiquité, elle est imaginée. Elle est imaginée par la force des choses. On l'a expliqué, on est sur des fragments. Alors, on dit qu'on fait des hypothèses, mais en fait, on pourrait dire qu'on invente aussi des choses parfois et souvent. C'est une Antiquité qui est imaginée, c'est une Antiquité qui est aussi fantasmée. L'exemple qui parlera sans doute au plus grand nombre, c'est celui de Sparte. Voilà. Hein. Sparte, alors si je vous dis Sparte, vous pensez à Aou, This is Sparta, etc. Et ces guerriers bodybuildés en slip de cuir, qui ne fait pas être très très pratique au thermobile, ça pourrait expliquer. Bon, bref. Donc on pense au film 300. En fait, l'auteur du comics dont j'ai oublié le nom, il n'a rien inventé de ce qu'on appelle le mirage spartiate. Le mirage spartiate, qui est à l'origine de ce mirage, ce sont les Athéniens eux-mêmes. Notamment Xénophon, il faut expliquer pourquoi les Spartiates sont si forts. Donc on dit non, mais c'est parce que leurs enfants sont éduqués de manière un peu spéciale, etc. Voilà. Bon, ça, alors Xénophon, je ne crois pas qu'il parle du slip. Je ne sais pas d'où vient le slip en cuir de 300. C'est peut-être une idée hein, d'article pour Antiquipop, mais voilà. Donc on a une antiquité fantasmée. On a parlé de 300. On pourrait aussi parler du Mullan Labbé, un des partis pro-armes américains qui s'empare d'une phrase réputée avoir été prononcée par Léonidas, enfin voilà, qui n'est pas qu'un vendeur belge de chocolat. Hein, c'est aussi le roi Spartiate. Mais c'est intéressant de se demander pourquoi on a un roi spartiate qui nous vend du chocolat. Je le trouve plus sympathique que celui des vendeurs d'armes. Et puis moi, voilà, je m'y intéresse. Hein. Il n'y a pas que Sparte. Si vous lisez Lovecraft, il s'inspire beaucoup de la matière antique, mais lui, il fantasme une antiquité blanche et viriliste. Bref, quel rôle nos travaux, nos réflexions, cette réflexion sur la réception de l'Antiquité, et j'intègre évidemment tes travaux dedans, je veux que tu nous répondes aussi, quel rôle nos travaux, nos réflexions peuvent avoir face à ces usages, voire à ces mésusages de l'histoire, et, est-ce qu'on a encore 2 heures, comment résister à ces falsifications ? Je vous laisse vous débrouiller. Moi, je me demande si une des façons pour éviter justement un usage politique de ces réinterprétations de l'histoire et de l'Antiquité, c'est pas justement d'avoir une pluralité de points de vue, une diversité de points de vue chez les scientifiques qui parfois viennent se confronter assez durement. Hein. Il y a parfois des querelles de scientifiques qui sont assez dures. Mais je me demande si ce n'est pas ça la bonne façon de lutter contre une vision dominante, souvent fausse, de l'histoire. Je suis tout à fait d'accord, sachant que pluralité est un de mes mots préférés. Depuis quelques années, ça revient régulièrement dans mon travail, partout, absolument partout. Et cette idée aussi que le regard qui est porté sur les scientifiques a besoin d'être rafraîchi un petit peu. Là, je viens d'une table ronde juste avant, c'était sur le Covid. Oui, ben voilà. Et ça a permis aussi de parler de ça, des attentes qu'il y avait par rapport à la science qui, soudain, a semblé être nue devant quelque chose de nouveau. Et des gens semblaient découvrir qu'il n'y a pas des savoirs qui sont là, posés comme des blocs et qui attendent d'être utilisés. Et que la science se fait au fur et à mesure, que la science, c'est la confrontation des points de vue, que la science, ça bouge et que c'est vivant. Et qu'effectivement, il y a une pluralité, qu'il y a des choses qu'on sait, il y a des choses dont on est presque sûr, il y a des choses qu'on ne sait pas encore, et ça bouge, et c'est ça qui est super, et c'est ça qui est intéressant. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il y avait... On peut avoir le sentiment, en tout cas quand on écoute les personnes qui réutilisent ces pans d'histoire, qu'ils ont une vision qui n'est pas tout à fait conforme à ce qui se fait quand on travaille pour de vrai sur des choses qui bougent, hein, vous le disiez au départ, c'est pas fini l'archéologie, c'est encore en train d'être fait, et c'est une forme de transparence, je pense qui peut aider. Ça, dire voilà où on en est, voilà ce qu'on est en train de discuter, voilà ce qui peut bouger, et puis il y a plein d'avis sur telle ou telle question, et pourquoi pas donner les clés aux personnes du public pour qu'elles aussi se demande pourquoi elle ne ferait pas des hypothèses aussi, pourquoi pas s'y intéresser, pourquoi pas faire des choses. Mais je n'ai pas répondu en tant qu'autrice là, pour l'instant. Par rapport à la pluralité, on parlait du regard, le fait qu'il y ait plus de femmes qui rentrent. J'en profite pour faire un point livre. Il y a un, mais vous le connaissez forcément, un volume qui est paru tout récemment sur l'archéologie du genre. C'est Laura Marie et la deuxième autrice, c'est un scandale, j'ai oublié son nom, et qui réfléchit à certaines... Isabelle Algan, voilà. Et pendant longtemps, peut-être que vous avez appris ça, quand on trouve un squelette, on reconnaît le monsieur parce qu'il a le bassin de cette forme, et puis la dame, elle a le bassin d'une autre forme. C'est complètement faux. Non. Pas tout à fait faux. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple que ça. Voilà, c'est pas, on ne peut pas reconnaître juste avec le bassin un homme ou une femme. Sauf que pendant longtemps, c'est ce qui a prévalu. Et lisez l'archéologie du genre pour éclairer cela. Et je me tais. Du coup, je me suis un peu perdue. Oui, sur la pluralité des regards, je suis très d'accord. Et en même temps, je vais peut-être être un peu provocateur et assez négatif. Parce que quand même... très souvent, adopter une pluralité, en tout cas dans l'histoire, peut-être un peu moins en histoire de l'art et l'archéologie, c'est dire « oui, mais regardez ce nazi aussi, il a le droit d'avoir un avis ». Et c'est plus rarement de dire « regardez cette femme, cette personne qui ne vient pas du même milieu, etc., a un avis ». Quand même, la diversité, c'est très important, mais la pluralité, elle est quand même souvent des mêmes côtés malgré tout. Et ça, pluralité ? Pardon ? Je me suis trompé de mot. En fait, quand on dit diversité, on se réfère à une norme qui n'est pas forcément explicite. Mm-hmm. C'est pour ça qu'en fait, je préfère le mot pluralité parce qu'elle est déjà là. D'accord. Mais du coup, dans la pluralité, il y a aussi éventuellement un nazi qui va pouvoir donner son avis. Voilà. Voilà. Et, bon, c'est juste tout pour souligner que et pendant longtemps, ouais, et souvent en histoire... Il ne s'agit pas de laisser tomber les règles... de fonctionnement de voilà, la science en question. En fait. Tout à fait, c'est sur ça que je voulais revenir. C'est, voilà. Mais donc, un maximum de diversité égale un maximum de diversité des approches, de confrontation, etc. Et donc, moi, par ailleurs, je ne suis pas sûr que... Donc, on dit usage et mésusage assez souvent, mais bon, qui est-on pour dire que c'est un mésusage ou un bon usage ? Pour moi, il faut qu'il y ait des scientifiques qui puissent dire, justement, la vérité. Et ensuite, bon, bah, chacun a le droit, en fait, de s'emparer ou de se mésemparer de quelque chose. L'important, c'est que chacun puisse finalement avoir la culture, et on ne peut pas tous avoir une culture dans tous les domaines. Et c'est là que les scientifiques, et que notamment la science française, la façon dont elle est structurée, a vraiment une grande forme de richesse, c'est-à-dire qu'on est censé pouvoir s'appuyer sur des universitaires, sur des spécialistes, etc., et pouvoir leur faire confiance, et, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Et donc là, c'est là où les scientifiques jouent un rôle, et parmi ces scientifiques, la diversité, parfois, manque un petit peu, et c'est en train de changer, hein, quand même, globalement, le profil des universitaires change beaucoup ces dernières années, et c'est ça qui va permettre de contrer un peu, pour moi, certaines lectures que moi, je trouve éventuellement négatives, mais c'est mon point de vue, non pas scientifique, même si mes connaissances scientifiques me mènent à avoir ce point de vue-là, et pas forcément dire ah, « ça, c'est bien, ça, c'est pas bien ». J'essaie de donner les clés vraiment pour que les gens puissent se dire eux-mêmes « Ah, là, ça a tiré d'un côté, il y a une volonté, est-ce que j'adhère ?» Et il y a toujours une opinion. Et je retourne à ce que j'ai dit tout à l'heure, on est toujours dépendant du contexte dans lequel on produit notre recherche. Et donc, bon, bah, effectivement, il y a un siècle, on ne pouvait pas faire la recherche d'aujourd'hui. Et dans un siècle, on regardera certainement ce qu'on fait aujourd'hui en pensant être tout à fait neutre, etc. Enfin, moi, personnellement, je ne pense pas qu'on puisse faire de la recherche neutre. Parfaitement neutre, en tout cas. Et on a au moins un angle, un sujet sur lequel on s'est penché. Et c'est ça qui donne aussi la richesse de nos points de vue. Et de, voilà, je me suis un peu éloigné du sujet. Mais tu avais tout un fil et j'ai tout cassé. Alors, finalement, dernière question et après on vous laisse le temps, parce que je suis sûre que vous avez plein de questions et plein de remarques. Finalement, voilà, on vous a un petit peu fait voyager à travers nos débats et nos regards sur les sources, qu'on adopte le point de vue de l'historien, qu'on adopte le point de vue de la directrice de site qui doit les rendre accessibles à un public qui peut-être ne connaît des gallo-romains que Astérix, et c'est déjà très bien. Et puis, du point de vue de l'autrice qui s'empare hein, des fragments pour pouvoir... elle a le droit de dire qu'elle invente, mais finalement, c'est pas si éloigné que ça, ce qu'on fait tous ici autour de cette table. Au terme de ces réflexions qu'on a menées, est-ce qu'on peut réussir, est-ce qu'on peut proposer une explication très simple, très résumée de ce que serait la réception de l'Antiquité ? En gros, à la fin, voilà, ce que vous devez avoir retenu, comme à la fin d'un cours. J'avais oublié que j'étais aussi enseignante. Mais c'est vrai que je m'en sers beaucoup avec mes collégiens, ça leur parle beaucoup souvent. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils savent des choses de l'Antiquité par ce biais. Et ils m'apportent plein de choses aussi. Ils me parlent de plein de... Bah, notamment les jeux vidéo, j'avoue que je ne suis pas spécialiste du tout. Et mes élèves le sont beaucoup plus que moi. Donc c'est eux aussi en fait, qui ajoutent à la bibliographie, mine de rien, et aux sources en me disant « Mais madame, là, il y a une référence à Aphrodite ou je ne sais quoi. » Donc ils contribuent à la science aussi, à leur manière. Une manière simple de faire la réception de l'Antiquité, c'est vraiment, pour moi, inviter le passé dans le présent et puis voir ce qu'on peut en faire et ce qu'on en a fait aussi. Et puisque ça, je trouve que c'est aussi un miroir de qui on est, de nos sociétés, de nos façons de fonctionner ensemble et de voir aussi toutes les évolutions très positives qu'il y a eu depuis sur certains fonctionnements, sur nos systèmes politiques, sur nos mentalités, sur plein de choses. Et vraiment, enfin, voilà, je trouve que ça invite à... Et on parlait tout à l'heure que c'était toujours en mouvement, que rien n'était figé, que la science n'était pas figée, l'archéologie non plus. Enfin, et que, en fait, je trouve que la réception de l'Antiquité nous invite aussi à rester tout le temps en mouvement, à rester toujours en alerte sur les dernières, je sais pas, des chansons, des livres, des choses qui... Parce que, comme tu disais tout à l'heure, on est quand même assez inondés sur les réseaux et en termes d'images, en termes de tout ce qui est visuel et qui va parfois faire des clins d'œil ou des réappropriations de l'Antiquité... Il y a beaucoup de choses en littérature jeunesse. On va chercher beaucoup, beaucoup dans la mythologie grecque et romaine et de voir ce qui change. C'est pareil aussi en littérature jeunesse. On a des collections Moi, Méduse, avec donc le mythe de Méduse raconté de son point de vue. Donc, je trouve ça formidable que des collégiens aient accès à ça et puissent se dire « Ah, mais oui, en fait, moi, j'ai jamais eu la version de Méduse voilà, dans cette histoire. Et qu'est-ce qu'elle a pu éprouver et pourquoi on raconte l'histoire de ce point de vue-là » Merci à tous, et vraiment garder hein, cette idée que l'Antiquité, oui, c'est le territoire des écarts, mais in fine, c'est l'humain qui nous rassemble, et voilà. L'équipe du comité d'histoire régionale vous remercie d'avoir écouté Magic Histoire. Un grand merci à Fabien Bief-Perrin, Élise Pampanet, Katie Stewart, Alexandra Vincent et Sophie Larribi-Glaudel. À très bientôt sur les plateformes pour de nouveaux épisodes.